Les participants au symposium international consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung ont offert le 30 septembre une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé. Le symposium tenu sous thème « Développement scientifique et progrès social » est une occasion d'une portée significative destinée à développer davantage les échanges et les rapports d'amitié et de coopération entre les grandes écoles de divers pays du monde et l'université Kim Il-sung, attachées au progrès de la société humaine par la force scientifique et technique. En regardant de nos propres yeux la réalité spectaculaire de la République populaire démocratique de Corée, qui opère un essor séculaire dans l'édification d'une puissance socialiste par la force scientifique et technique de pointe, avec la priorité à la capacité de se renforcer soi-même, et en se dégageant les difficultés de l'histoire avec l'esprit d'assaut sous la direction du Parti du Travail de Corée, nous sommes profondément persuadés de la grande force du peuple coréen, étroitement uni autour de son excellence M. Kim Jong-un. Nous nous efforcerons activement à l'avenir aussi pour développer davantage les échanges et coopérations multilatérales avec l'université Kim Il-sung sur la base de bons succès et expériences obtenues au séminaire scientifique. Finalement, ils ont souhaité sincèrement santé et bonheur à son excellence M. Kim Jong-un.